Je suis le pote du rappeur dans le clip qui ne parle jamais. Fais des signes devant la caméra, le shit fume sans arrêt. Celui qui tient le calibre. Dans le son, le voix vite fait à la fin, face comme regard méchant, je t'allume. J'baigne dans le trafic, j'suis qu'un yo, bro, yo, bro. Gros joint battre, j'suis dans le turbo, turbo. J'baigne dans le trafic, j'suis qu'un yo, bro, yo, bro. Gros joint battre, j'suis dans le turbo. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo, yo, yo. Contente pas de faire du sale dans les peuclés. Souvent sa vie qu'on raconte par les OG. Celui qui traîne dans la zone froide devrait acheter les CD pour soutenir la famille. Celui que tu croises dans les soirées, dans les studios, dans les tournées. J'baigne dans le trafic, j'suis qu'un yo, yo. Gros joint battre, j'suis dans turbo, turbo. J'baigne dans le trafic, j'suis qu'un yo, yo. Oh, j'en battrai, j'suis dans terre. Ouais, yeah, yeah. Moi, j'suis qu'un teuc, j'ai rien fait de bien. Ça tient des bastos, réel d'où je viens. Pourquoi ai-je tant d'ennemis? Oh, ouais, les fils, les putains dans le tiers sont qui rôdent pour me tester. Pourquoi noir, je n'ai riche, attire mauvais oeil, les risques et les rageux. Veulent briser nos rêves, les envieux. Veulent pas trop qu'on fait ambiance électrique, comme on sait que c'est un taser. On fera du moins 18 avec mon majeur. Tout est dans la musique, dans le premier quart d'heure. Je regarde ton physique, mon esprit est ailleurs. Tu me fais perdre la raison, mon vicieux dans l'oreille. Faut que les 4 saisons, je te préfère en chaleur. Mon cœur en pleine cuisson, tu connais la saveur. Ce bendo, j'baigne dans le trafic, j'suis qu'un yo, yo. Gros j'en battrai, j'suis dans turbo, turbo. J'baigne dans le trafic, j'suis qu'un yo, yo. Gros j'en battrai, j'suis dans le turbo.